disque met tout en fleurs dans les prés nous réclame. Viens, ne te lasse pas de mêler à ton âme la campagne, les bois, les ombrages charmants, les larges clairs de lune au bord des flots dormants, le sentier qui finit le chemin commence, il est né le printemps et l'horizon immense, l'horizon que ce monde attache, bleu et joyeux comme une lèvre en bas de la robe des cieux. Viens et que le regard sur la terre à travers ton devoir, que l'arbre pénétré de parfums et de chants, que le souffle embrasé de midi dans les champs, et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure et le rayonnement de toute la nature fasse t'épanouir comme une double fleur, la bonté sur ton front.